entière monde refoule les terres d'une nation dont les rides attestent les années de séparation. Retrouve les rayons de ce soleil qui ont donné vie à la couleur de ses origines. L'histoire des anciens dans ce décor se résume. Son âme demeure plus légère qu'une plume. Regarde ses ressentiments virevolter dans les airs et ses racines enfin replantées sur sa terre. Il reste là, immobile, conscient qu'une page de sa destinée il va remplir. Il reste là, immobile, autant que la parole ne peut retranscrire. Il reste là, immobile, contemple ce que la parole ne peut retranscrire. Il est enfin cet anonyme, incorporé à une contrée. Pas de regard qui reflète la différence. Il suscite ce à quoi il a toujours rêvé, l'indifférence. Le pas se fait plus lent, une neutralité se fait maîtresse. L'œil candide ne peut esthétiser l'abondance de la détresse. Difficile d'endosser la peau du touriste plus longtemps et de masquer le mensonge par un idéal peu convaincant. La splendeur du Taj Mahal ne dissimule pas le dénuement. Dans ce film de Bollywood, il a enfin accès au bonus caché. Shah Rukh Khan est un riche avala, accro à la cam. Amitabh Bachchan est un clochard qui a fui son village pour un emploi aussi réel qu'un mirage. Et Aishwarya, pour résister, offre son corps dans les rues de Bombay. L'Indien qui est en lui, fin de faire comme si de rien n'était, voulant fuir ce malaise de nager dans le bonheur, tandis que son moi occidental hurle de l'intérieur, scandalisé par l'absence de révolte sociale émergée. L'indifférence générale agresse l'extrême précarité. L'horreur est légitimée par la religieuse science. Des choses insupportables pour sa propre conscience, tout comme sa position d'homme socialement élevée, n'ayant rien fait d'autre que d'être né. Il réalise alors qu'il n'est pas des leurs et que ses beaux sentiments ne sont qu'un leurre. Il est celui qu'on a sectionné en deux. Le corps est ici, le cœur est ailleurs. Ce genre de schizophrène nécrosé, un peu indien, un peu français, double culture, double absence, partout à la recherche d'une appartenance, mais même étranger à son ombre en errance, apatride et en exil, de Pondichéry jusqu'au plan Ménil, à la recherche d'une flamme, à la recherche des parcelles de son âme, à la recherche d'une flamme, à la recherche des parcelles de son âme. Mais quand il lève la tête au ciel, des pensées salvatrices s'entremêlent. Observe le néant bleu, identique pour lui, identique pour toi. Et ceci, quel que soit l'endroit, un repère, un semblant d'unité, une mère, un sourire familier. Inspire la différence, expire le mélange, assistant à la crémation de ses désillusions, pour que s'élève dans les nuages une fumée d'humanité. Il reste là, immobile, conscient qu'une page de sa destinée il a rempli. Cet enfant de la frontière, cet enfant de la frontière.